بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on expliquait, maintenant on est au cours numéro 12, hein, l'explication du livre, l'explication de Kitab al-Tawhid, qui s'appelle Qurrat Uyun al-Muwahidin, écrit par le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, et les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son livre Al-Mukhtasar, Al-Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin, ala Kitab Qurrat Uyun al-Muwahidin. Et le cheikh, il dit maintenant, par rapport à ce qu'on expliquait au dernier cours sur la division de la Ummah et le fait que cette Ummah sera divisée en 73 sectes et qu'une seule d'entre elles allait être sauvée, on a expliqué donc qu'est-ce qui a rapport avec ce sujet. Puis le cheikh ensuite, il expliquait que les musulmans par la suite, après ces trois premières générations-là, hein, les trois premières générations de la Umma, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, « Khayrun nasi qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. » Donc ça, c'est les trois meilleures générations. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La meilleure génération, c'est ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. » Puis il dit, « Puis par la suite, les choses ont commencé à dégénérer petit à petit. » D'accord ? Après ces trois premières générations, les choses ont commencé à s'affaiblir et à se dégénérer. Il dit فَلِهَذَا عَمَّ الْجَهْلِ بِالتَّوْحِيدَ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْإِسْلَامِ أَوْ أَصْلُ دِينِ الْإِسْلَامِ. Il dit c'est pour ça que l'ignorance a commencé à se propager, à se généraliser, et en particulier l'ignorance au sujet du tawhid, qui est la base de l'islam. Donc c'est-à-dire que les gens ont commencé à ignorer même la base de l'islam, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, wa fashat al-quburiyya wa ibadat al-adrihati wa al-awliya ba'd al-qurun al-mufaddala wa a'tabaru hadha min ad-din wa min at-taqarrub ila Allah 'azza wa jalla wa anna ha'ula'i al-maqburin wa al-awliya wasa'it bainahum wa bain Allah faqasu Allah عز وجل على ملوك الدنيا وقالوا وعليكم السلام ورحمة الله وقالوا لا نصل إلى الله إلا بواسطة وزين لهم الشيطان هذا يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc hein, il dit le cheikh, فظهرت القبورية في المسلمين ومن ذلك الوقت وانتشرت وصارت هي الدين وهي التوحيد حتى قيد الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله فانبرى لهذا الضلال وقام بنصرة الحق ونازل هذا ونازل هذه الفرق وخاصمهم وأظهر دين الله فصار من أعظم المجددين بعد القرون الثلاثة المفضلة عليه رحمة الله وبقيت كتبه والحمد لله منارا يهتدي بها وينتفع بها من أراد الله له الخير وما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا من آثار دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وكل أهل التوحيد الآن والمتمسكين بمنهج السلف من آثار دعوته. Donc le cheikh il explique que on a vu se propager al-quburiyya, c'est-à-dire l'adoration des tombeaux, par la suite. Et il dit l'adoration des tombes et des saints. Hein? Après les trois premières générations, ça a commencé à se propager. Les gens ont commencé à pratiquer ces choses-là. Et ils ont considéré que c'était ça la religion. Et que pour se rapprocher d'Allah, il fallait absolument passer par les saints et les hommes pieux qui sont enterrés dans les tombes. Hein? Et que c'était eux les intermédiaires entre eux et Allah. Hein? Et ils ont fait une analogie entre la relation des hommes avec Allah par rapport à l'attitude et la situation qu'ils ont avec les rois et les dirigeants dans ce monde. Donc ils ont fait l'analogie entre les deux. Et ils ont dit, bon, puisque dans le monde, si on veut accéder au roi ou au dirigeant, on est obligé de passer par des intermédiaires, hein? On ne peut pas aller directement au dirigeant. Donc avec Allah, il faut faire la même chose. C'est-à-dire que pour se rapprocher d'Allah, on ne peut pas y aller directement parce qu'il est trop important, il est trop grand. Donc il faut passer par des intermédiaires parmi les hommes, c'est-à-dire les awliya, les hommes pieux, les saints. Et c'est eux qui vont nous faire passer hein, nos prières à Allah. Et ça, c'est un qiyas qui est batil. C'est une analogie qui est totalement fausse. Hein, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les rois ou les dirigeants ne sont pas comparables à Allah, subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on a besoin. Ils ne savent pas qui on est. Tandis que les créatures, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme les créatures. Il nous connaît parfaitement. Même qu'il nous connaît mieux. Hein, il connaît mieux nos besoins que nous-mêmes. Donc il n'a pas besoin de quelqu'un pour nous présenter à lui, hein, et pour nous faire connaître à lui. Il nous connaît déjà mieux que quiconque, puisque c'est lui qui nous a créés. Et également, il y a beaucoup d'autres différences qui montrent la fausseté de cette analogie, de cette comparaison. Donc le cheikh, il mentionne l'exemple que ceux qui ont fait cette analogie-là, de comparer la relation des hommes avec Allah en la comparant à l'attitude envers les rois dans ce bas monde ou avec les dirigeants dans ce bas monde, et qu'il faut prendre des intermédiaires pour se rapprocher d'Allah, ça c'est le diable qui leur a embelli de faire ce genre de choses-là. Et que même les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça leur excuse pour l'adoration des idoles. C'est-à-dire qu'ils utilisaient ça comme prétexte pour justifier le shirk avec les idoles qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et l'exemple de ça, c'est dans le verset 3 dans Sourate Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ. Ça c'est le verset, un autre verset. Il dit, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. C'est-à-dire, les mouchriquins, ils disaient, on les adore seulement pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. C'est-à-dire, on les adore pas pour elles-mêmes, ces idoles, mais on les adore seulement pour qu'elles nous aident à nous rapprocher d'Allah et qu'elles nous rapprochent d'Allah, hein, comme des intermédiaires et des intercesseurs. Et dans le verset 18, dans Sourate Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Puis ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc le cheikh, il dit, donc on a vu se propager et apparaître chez les musulmans, hein, dans beaucoup de pays musulmans, l'adoration des tombeaux, l'adoration des tombes, l'adoration des morts, l'adoration des saints. Et ça s'est propagé jusqu'à ce que les gens commencent à s'imaginer que ça fait partie de la religion. C'est ça la religion. C'est ça le tawhid pour eux. Hein? Et il dit, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ait envoyé à la Ummah un parmi les grands savants pour justement dissiper cet égarement-là et détruire ces égarements-là parmi les musulmans et défendre la vérité. Hein? Donc, on voit que Ibn Taymiyyah, il a combattu toutes ces différentes sectes et ces différentes fractions, ces différentes divisions, et il les a affrontées les unes après les autres, et il a fait, hein, il a rendu victorieuse la religion d'Allah. Et il est devenu un des plus grands réformateurs de l'islam après les trois meilleures générations. Donc parmi les grands réformateurs de la Oumma après les trois premières générations, il y a eu donc le Cheikh l'Islam Ahmad ibn Taymiyyah. Et le titre de Cheikh l'Islam, C'est un titre qui est donné à des grands ulama. C'est pas seulement Ibn Taymiyyah qui s'appelait, qu'on a appelé Cheikh al-Islam. Il y a aussi d'autres grands imams, d'autres grands ulama qui ont eu ce titre-là dans l'histoire. D'accord? C'est les ulama qui donnent ce titre à un savant quand ils ont vu qu'il a fait beaucoup d'efforts pour défendre l'islam et faire des grandes choses pour la religion. Ils donnent ce titre-là. C'est juste pour montrer le respect et l'honneur qui revient à ce cheikh-là. Donc, parmi les ulama qu'on a appelés cheikh al-Islam, il y a l'imam Ibn Khuzayma, un des grands ulama des salafs, l'imam Ibn Khuzayma. Il y a aussi parmi les ulama, l'imam, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, Non. C'est un imam plus ancien que ça. Je l'ai sur le bord là de la tête, mais ça m'échappe en ce moment. Bon, si jamais je m'en souviens, je vais vous le dire. Donc, il y en a plusieurs savants comme ça qu'on a appelé Cheikh al-Islam, mais celui par excellence, celui que lorsqu'on dit Cheikh al-Islam, presque on pense automatiquement à lui, c'est Ibn Taymiyyah. Et donc, il dit le cheikh que il est devenu donc un des grands réformateurs après les trois premières générations, et ses livres jusqu'à maintenant sont le phare, hein, c'est ça, un phare. Ses livres sont comme devenus un phare pour que les gens puissent s'orienter et se guider, hein, par la permission d'Allah. Et il dit وَيَنْتَفِعُ بِهَا مَنْ أَرَادَ لَهُ الْخَيْرِ. Ceux pour qui Allah a voulu du bien puissent en profiter et suivre les bonnes choses qu'il a expliquées dans ses livres. Et la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est venu après Cheikh ibn Taymiyyah, eh bien, elle est inspirée de la da'wah de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et c'est une de ses effets, une de ses traces, hein. Et donc il dit, tous les gens du tawhid aujourd'hui qui s'accrochent à la sunna et qui s'accrochent au tawhid et qui suivent la voie des salafs, ils sont des restants de cette da'wah qui continue, d'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà annoncé qu'à chaque 100 ans il allait avoir un homme qui allait réformer la religion. Il dit dans le hadith qui est rapporté selon Abi Daoud, il dit inna Allah la yujaddidu hadha ad-din ala inna Allah la yab'athu ala ra's kulli 100 sana man yujaddidu laha dinaha. Donc à la tête de chaque 100 ans, il y a un homme que Allah envoie pour réformer sa religion, hein, faire le nettoyage, hein, éliminer les innovations, les déviations, les fausses croyances, ramener les gens à la source, à l'origine, au tawhid et à la sunna. Donc c'est ça les réformateurs. C'est pas comme certains qui disent les réformateurs c'est des gens qui viennent pour réinterpréter l'islam d'une façon nouvelle, hein. Non, l'islam c'est l'islam, hein, elle va pas changer. Mais bon, Allah musta'an. Donc ça fait partie donc des exemples des ulama. Et puis des fois tu vois des gens qui disent ça c'est pas l'islam. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'est-ce qu'il a ramené? C'est pas l'islam authentique, c'est la wahhabiyya, hein? Wahhabiyya. Et puis ils disent Ibn Taymiyyah était un wahhabi alors qu'il a vécu peut-être 600 ans avant. Et comment Ibn Taymiyyah pourrait être wahhabi et Mohammed ibn Abdul Wahhab il est venu après lui? C'est des anachronismes, hein? Oui, c'est ça. Les juifs, ils disent qu'ils suivent Ibrahim alayhi salam, alors que Ibrahim était avant eux. Eux sont venus après. Mais la Torah et l'Injil est venu après Ibrahim, hein? Puis ils prétendent qu'ils le suivent. Mais le problème, c'est pas qu'ils prétendent de le suivre. C'est-à-dire, le problème, c'est que ils font le contraire de qu'est-ce qu'il a enseigné, puis après ils prétendent le suivre. C'est ça le problème. Sinon, nous on est venus après aussi, hein? Les musulmans, on est venus après aussi, mais la différence c'est qu'on s'accroche à sa guidance, on suit son exemple, hein? C'est ça la différence. Et le cheikh il dit ensuite, فَإِنَّهُ أَصْلُهُ أَنْ لَا يُعْبَدْ أَنْ لَا يُعْبَدْ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ لَا يُعْبَدْ إِلَّا بِمَا شَرَعْ وَقَدْ تَرَكَ هَذَا وَصَارَتْ عِبَادَةُ الْأَكْثَرِينَ مَشْبُوهَةً بِالشِّرْكِ وَالْبِدَعْ. Donc le cheikh il dit, la base de l'islam, فَلِهَذَا عَمَّ الْجَهَلْ بِالتَّوْحِيدَ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْإِسْلَامِ. Donc le tawhid c'est la base de l'islam, et malheureusement beaucoup de musulmans sont devenus ignorants de ça, de cette base là et il dit فَإِنَّ أَصْلَهُ, il dit la base du tawhid c'est أَنْ لَا يُعْبَدْ إِلَّا اللَّهِ, c'est que rien ne soit adoré excepté Allah. وَلَا يُعْبَدْ إِلَّا بِمَا شَرَعَ, et qu'il ne soit adoré que par ce qu'il a légiféré, hein, et qu'est-ce qu'il a révélé, donc c'est-à-dire pas par des innovations, uniquement par qu'est-ce qu'il a révélé. Et il dit وَقَدْ تَرَكَ هَذَا, hein, وَقَدْ تُرِكَ هَذَا وَصَارَتْ عِبَادَةُ الْأَكْثَرِينَ مَشْبُوهَةً بِالشِّرْكِ وَالْبِدَعِ. Il dit malheureusement cela a été délaissé. Et wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit malheureusement cela a été délaissé et l'adoration de la plupart, hein, a été corrompue par du shirk et des innovations. Beaucoup de musulmans, leur adoration maintenant, elle a été teintée de shirk et d'innovation, de bid'ah. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là, fasaru yabnuna المشاهد على القبور ويحثون على زيارتها والذبح لها والنذر لها ومن لا يفعل هذا أو ينكرها فإنه يعتبر خارجا عن الإسلام ومبغضا للأولياء والصالحين إلى آخر ما يقولون حتى ظهر الشرك والبدع والخرافات لعدم وجود المصلحين في هذه الفترة. Donc le cheikh il dit c'est devenu que par la suite que les gens ont commencé à construire des dômes et des mausolées sur les tombeaux, hein. Ils incitent les gens à aller les visiter et à faire des pèlerinages à ces endroits-là et à faire des sacrifices et des vœux pieux pour ces personnages-là. Et il dit celui qui refuse de le faire, hein, ou qui condamne ce genre de choses, on le considère comme ayant quitter l'islam, hein, comme ayant quitté l'islam. Et on dit qu'il déteste les pieux et les hommes pieux et les saints. Il dit, ah lui, il n'aime pas les hommes pieux et les saints, donc il n'est pas musulman, hein, parce qu'il refuse de faire le shirk. Allah musta'an. Et ils disent ça, donc beaucoup d'autres choses comme ça de ce genre. Et c'est ainsi donc que le shirk et les innovations et les bid'ahs et les superstitions se sont propagées. Parmi les musulmans, ils sont devenus apparentes, hein, parce qu'il n'y avait pas de réformateurs dans cette période, hein, pour clarifier ces questions-là. Et il dit, ولكن الله تعالى ولله الحمد لم يخلو الأرض من قائم له بحججه وداع إليه على بصيرة لكي لا تبطل حجج الله سبحانه وتعالى وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله فله الحمد والشكر على ذلك. Donc le cheikh il dit, mais par la grâce d'Allah la terre n'a jamais été vide, ou il n'y a jamais manqué sur terre de quelqu'un pour établir ses preuves et appeler à la vérité et au tawhid avec compréhension et connaissance, pour pas que les preuves d'Allah et les signes d'Allah soient abandonnés et délaissés. Hein? Les preuves et les signes que Allah a fait descendre sur ses prophètes et ses messagers, pour pas qu'ils soient abandonnés et oubliés. Donc, c'est à Allah qu'appartient la louange et le remerciement pour cela. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من داعية إلى الله وقائم بالحجة لأجل أن يبقى الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهذا من فضله سبحانه وتعالى. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها وهذا من فضل الله فمهما كثر الباطل والضلال فإنه يوجد ولله الحمد من أهل الحق من يقوم بالحجة ويبين للناس ولكن يقلون ويكثرون. Donc le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas laisser la terre sans prêcheurs, sans savants pour clarifier la religion, établir les preuves, pour que la vérité puisse demeurer et rester sur terre jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier, lorsque Allah va hériter de la terre et de ceux qui sont dessus. Et ça, c'est parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Et c'est pour ça qu'il dit dans le verset 9, dans Surat Al-Hijr, nous avons certes fait descendre le rappel et nous allons certes le préserver. Et donc il dit que également le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah allait faire venir à la tête de chaque 100 ans un homme pour qu'il réforme sa religion, hein, c'est-à-dire purifier la religion des innovations et des fausses croyances qui ont été infiltrées ou introduite parmi les gens. Et ce hadith-là est rapporté selon Abi Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sunan Abi Daoud, Sahih Sunan Abi Daoud. Ensuite, par rapport à ça, le Cheikh dit donc que ça fait partie de la grâce d'Allah. Et peu importe donc la quantité de fausseté et d'égarement qui peuvent être propagés parmi les musulmans, eh bien, par la grâce d'Allah, il y aura toujours des gens de la vérité qui seront présents pour établir les preuves et la vérité et clarifier la vérité pour les musulmans. Hein? Mais parfois, ils sont plus nombreux et parfois, ils sont moins nombreux. C'est-à-dire, les gens de la vérité parmi les musulmans, ils peuvent être parfois plus nombreux et parfois, ils peuvent être moins nombreux selon la période, selon la situation, selon le lieu aussi. Et dans certains endroits, parfois, tu vas avoir plus des gens de la sunna dans un pays plus que dans d'autres. Hein? Et à certaines époques, plus que dans d'autres. Donc, ça dépend de l'époque, ça dépend du lieu. Mais il y a toujours des gens sur la vérité. Et même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. La yadurruhum man khazalahum, wala man khalafahum, hatta ya'tiya amrullah. » C'est-à-dire qu'il y aura toujours un groupe de la Ummah ou une partie de la Ummah qui va être victorieux sur la vérité. Peu importe la situation, à travers l'histoire de la Ummah jusqu'à la fin des temps. Même s'il y a des gens parmi les musulmans qui s'égarent et qui se détournent du droit chemin ou qui cessent de s'accrocher à la Sunna, mais il y aura toujours quelque part en tout moment un groupe ou une partie ou une portion de la Ummah qui ne va pas s'égarer et qui va rester accroché à la Sunna et victorieux sur la vérité. Ça c'est garanti. Et le Cheikh dit ensuite wa amma qawl Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ça c'est le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, celui qui explique Kitab Tawhid. Il dit wa amma qawl Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allati alayha khatimuhu falyaqra qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum fi surah al-an'am ila qawlihi ta'ala وأن هذا صراطي مستقيما الآية. Donc le Cheikh il dit, Abd al-Rahman ibn Hassan il dit, ensuite le Cheikh il mentionne la parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dans Kitab al-Tawhid. Ça c'est un des un des hadiths ou bien un des, une des choses qui ont été mentionnées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté selon Ibn Mas'ud, qui dit: celui qui veut voir le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le testament qu'il a laissé, et celui sur lequel il y a son sceau, hein, son sceau, khatimuhu, alors qu'il récite les versets de 151 à 153 dans sourate Al-An'am. Ça, c'est le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans, on va lire ensemble ces versets que le cheikh il a mentionné, hein, dans la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, dans sourate Al-An'am, 151 à 153. Ça, c'est le testament que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé pour sa umma. Et ça dit, hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets, dit: ô Muhammad, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Hein? Et en arabe, قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. La première chose, أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Et donc la suite des versets 152 et 153, ça dit: et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin que de la plus belle manière jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité, et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité, et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez vos engagements envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Et voilà mon chemin en toute sa rectitude. Hein? Alors suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Hein? Donc c'est les 10 règles ou les 10 points qui sont mentionnés dans sourate Al-An'am. Et le cheikh, il dit à ce sujet-là, il y a des ulamas qui ont écrit des explications de ces 10 points-là. Il y en a qui ont écrit des livres juste pour expliquer ces 10 points-là seulement. Hein? Parce qu'il y a des grandes règles de la religion. Et on voit que parmi ces 10 points qui sont mentionnés dans le verset, le premier, c'est le tawhid. Hein? Le premier, c'est le tawhid. Et donc on va lire justement qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan il dit comme commentaire là-dessus. Il dit: هذه الآيات الثلاثة من آخر سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Donc le premier c'est أن لا تشركوا به شيئا, que vous n'associez rien avec lui, que vous ne faisiez rien, hein, comme shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, en associant quelque chose avec lui dans l'adoration. Et ensuite, wa bil walidayni ihsana, la bonté envers les parents. Jusqu'à ce qu'ils disent à la fin, wa anna hadha sirati mustaqiman. Wa fiha 10 wasaya. On l'appelle ces versets al-wasaya al-ashra. Hein, al-wasaya al-ashra. C'est-à-dire les 10 commandements ou les 10 injonctions, hein. بدأها بالنهي عن الشرك وختمها بالأمر باتباع الصراط المستقيم الذي هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهي وصايا عظيمة، ويقال إن هذه الوصايا جاءت في الكتب السابقة أيضا في التوراة والإنجيل، وهي مشهورة بالوصايا العشرة. Les 10 commandements. C'est ça les 10 commandements. Oui, oui. La première chose, même dans les 10 commandements, même chez les chrétiens, les juifs, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome et Lévitique, il y a l'énumération de 10 commandements, et ça commence les deux par de ne rien adorer avec Allah, de ne rien associer avec Allah. Ça commence aussi par l'interdiction du shirk, même chez les juifs et les chrétiens. Tous les juifs, tous les chrétiens, ils connaissent ça, ces 10 commandements-là. Même que pour certains juifs et certains chrétiens, la religion pour eux se résume à ces 10 commandements-là. Que si tu respectes ça, tu as pratiqué la religion. Hein? Donc, si vous parlez avec n'importe quel juif ou chrétien, vous leur demandez qu'est-ce que c'est les 10 commandements, ils les connaissent en principe. Hein? Et le premier, le plus important, c'est le premier qu'ils ont contredit, de ne pas adorer autre que Allah. Les chrétiens, ils ont contredit ce premier commandement-là, puisqu'ils adorent Jésus, ils adorent Marie, ils prient à des saints, ils prient à des statues, des croix, des images, et toutes sortes d'autres choses en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non, donc, il dit le Cheikh, « Bada'aha bin nahi anil shirk wa khatamaha bil amr bittiba' al-sirat al-mustaqim al-ladhi huwa manhajur rasoul. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala il débute ses 10 commandements par l'ordre de l'interdiction du shirk, c'est-à-dire l'interdiction d'adorer quelque chose en dehors d'Allah et d'associer avec Allah. Et il termine ses 10 commandements par l'ordre de suivre le droit chemin, hein, qui est la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ce sont donc des grands commandements et on les appelle, hein, et il dit ces 10 commandements-là, ils sont même présents dans les livres précédents, la Torah et l'Injil, et on les appelle les 10 commandements. C'est ça que le cheikh il explique. Il dit wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sahib Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqih as-sahaba yaqul man arada an yanzura ila wasiyat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allati 'alayha khatimuhu falyaqra hadhihi al-aya. نعم وهذا في حديث أخرجه الترمذي في سننه أي نعم وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط وقال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابته فقال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمته الحديث فهذا الخبر الجليل بين لهم أن الوصية موجودة في القرآن وهي هذه الآيات الثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موصيا ما أوصى إلا بمضمونها فقد عاش حياته كلها بعد البعثة يدعو إلى مضمون هذه الآيات الثلاثة فكأنه أوصى بها وعليها خاتمه فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس بلا وصية لأن عندهم الكتاب والسنة وقال صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit qu'il est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et Abdullah ibn Mas'ud c'est un des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, un savant parmi les sahaba. Et il dit, quiconque veut regarder, hein, veut voir le testament que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé et sur lequel il y a son sceau, alors qu'il lise ces versets de 151 à 153 dans Sourate Al-An'am. Il dit la cause de la parole de Abdullah ibn Mas'ud. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud il dit ça? C'est probablement, et il dit Allah sait mieux, ce que l'imam al-Bukhari a rapporté dans le Sahih, selon Ibn Abbas radiallahu anhuma. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très malade, hein, avant sa mort, il a dit, amenez-moi quelque chose pour écrire. Je vais vous écrire, ou bien je vais vous dire quelque chose que vous allez écrire, par lequel vous n'allez pas vous égarer après. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a dit, yani, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est pris par la douleur, hein. Et nous, on a le livre d'Allah, et ça nous suffit. Alors, ils se sont disputés, hein, ils ont divergé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, levez-vous, hein, je veux pas qu'il y ait de dispute en ma présence, hein. Et Abdullah ibn Abbas est sorti et il a dit, hein, là, il n'y a pas une plus grande honte ou un plus grand malheur que, yani, qu'est-ce qui nous a empêché, hein, de savoir qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait écrire, ou qu'est-ce qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'écrire ce qu'il voulait nous écrire. Mais Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, celui qui veut voir le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il y a son sceau, alors qu'il lise les versets 151 à 153 dans Sourate Al-An'am. Et il dit, et donc ce grand savant parmi les sahaba, Abdullah ibn Mas'ud, il est en train de leur expliquer que s'il cherche un testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, même s'il n'a pas écrit un testament avant sa mort, il y a dans le Coran la présence de ce testament-là. Et ce sont ces trois versets. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il aurait donné un testament quelconque, eh bien, il n'aurait contenu que ce que ces trois versets-là contiennent. Hein? Parce que pendant toute sa vie, il n'a fait que, hein, après qu'il a été envoyé comme messager, il n'a fait qu'appeler les hommes à ce que contiennent ces trois versets-là. Hein? Et c'est comme si il avait laissé cela comme un testament pour les musulmans, et il y a son sceau là-dessus. Donc le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé la Ummah sans testament. Pourquoi? Parce qu'ils ont la Sunna, ils ont le Coran, ils ont la Sunna, et ça leur suffit comme testament. Hein? Donc c'est le dernier testament, si on veut. Hein? Comme les chrétiens, ils ont l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. Donc il y en a qui disent, bon, le Coran et la Sunna, c'est le dernier testament. Là, c'est fini. Après ça, il n'y en a plus d'autres. وقد قال صلى الله عليه وسلم إني تركت, hein, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, je vous laisse deux choses. Tant que vous restez accroché à ces deux choses là vous ne vous égarerez jamais après. Et il a dit, c'est le livre d'Allah et ma sunna. Le livre d'Allah et ma sunna. Et ça, c'est rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, et Cheikh Al-Albani l'a authentifié dans Sahih Al-Jami' Al-Saghir. Et il dit, donc, en tout cas, je pense qu'on est arrivé à la fin, mais juste, je vais juste lire un dernier point. Wa qawluhu allati 'alayha khatimuhu shabbaha hadhihi al-wasiyya bi wasiyatin كتبت فختمت أي فلم تغير ولم تبدل وأراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه صلاة الله وسلامه عليه. Donc il dit que quand Abdullah ibn Mas'ud il dit sur lequel il y a son sceau, hein, le testament sur lequel il y a son sceau, il a voulu faire une comparaison entre le testament qu'on écrit et sur lequel on place un sceau, comme vous savez qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens écrivaient une lettre, hein, il n'y avait pas des enveloppes comme aujourd'hui là, mais les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pliaient la lettre d'une façon, puis après ils mettaient un peu de cire, hein, ou une sorte de cire, puis ils le faisaient fondre sur la lettre, puis quand c'était encore mou, encore chaud, il plaçait sa bague avec l'écriture, il y avait son nom écrit dessus, Muhammad Rasulullah. Donc il prenait son sceau et il le mettait dans la cire qui était encore chaude, ça faisait ça venait sceller la lettre, hein, et c'était pour indiquer deux choses, que la lettre elle a été scellée, donc c'est cacheté, personne ne peut l'ouvrir excepté celui à qui c'est dédié, et deuxièmement aussi également, ça fait en sorte que on sait que elle n'a pas été modifiée ou changée, hein. Donc ça c'est ça le point ici que Abdullah ibn Mas'ud il veut montrer, c'est que il n'a pas cette wasiya, ce testament, il n'a pas été changé, il n'a pas été modifié, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute sa mission, depuis le moment que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme prophète jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala prenne son âme à la fin de sa vie sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il a toujours enseigné et expliqué aux musulmans les points qui sont mentionnés dans ces trois versets là dans sourate Al-An'am. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on continuera demain la suite de ça inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La poste, hein? Non. Mais il y a toujours eu des messagers, puis des messages, puis des lettres. Mais peut-être de façon, d'une certaine façon, je ne sais pas, organisée peut-être d'une façon plus spécifique, avec les, peut-être. Mais il y a toujours eu des messagers, puis des lettres. Ça, c'est aussi vieux que.